à l'extérieur des impersonnels, de plus en plus en fonction de leur sensibilité mentale, mais ces hommes devront aussi réaliser que tant qu'ils auront, que le corps de désir ne sera pas totalement ajusté au mental, ils seront obligés de recevoir par voie télépathique, parce que c'est la seule façon qu'ils peuvent déjà, avant de passer à une autre étape, reconnaître ce dont ils font partie. L'homme doit être donné de reconnaître ce dont il fait partie avant de faire partie de ce qu'il a reconnu. Alors, c'est pourquoi les voies télépathiques seront utilisées sur la Terre, dans toutes les nations, et beaucoup d'hommes seront froissés par le fait que même si les voies télépathiques sont ouvertes, la réalisation de ce que ces voies impliquent pour l'homme ne coïncide pas avec le réel. Je donne l'exemple, par exemple, du fameux bonhomme anglais dernièrement qui a payé certaines sommes d'argent au New York Times pour annoncer que le Christ serait aux Nations Unies au mois de juin. Exemple. Et tout ça fait partie des plans d'évolution spirituelle de la planète. Mais à partir du point où certains hommes se situent dans leur expérience, ces conditions-là sont au-dessus de leur expérience, ou en viendront à être au-dessus de leur expérience, pour que les gens en arrivent éventuellement à fonder sur le plan matériel les conditions d'une micro-société qui sera directement et parfaitement harmonisée à leur intelligence sans qu'ils soient obligés d'être en communication télépathique avec l'astral. L'homme ne peut pas être en communication télépathique avec l'astral parce que le plan de la sixième race n'est pas dans l'astral. Il n'y a aucune entité dans l'astral qui comprend parfaitement les plans de la sixième race. Ceux qui comprennent sur le plan matériel les plans de la sixième race sont des êtres descendants, et ceux qui sont en dehors des plans matériaux qui comprennent les lois de l'évolution de la sixième race font déjà partie des sphères de la lumière et ne sont pas dans l'astral. Alors, l'homme doit veiller, surtout dans les prochaines générations, l'homme doit veiller à ne jamais susciter trop d'émotivité vis-à-vis ses désirs spirituels lorsqu'il reçoit de l'information télépathique qui convient à un aspect de l'évolution de la sixième race, mais qui ne convient pas à la réalisation réelle et matérielle de cette race, parce que les lois qui font ou qui permettront que la sixième race se réalise sont des lois qui font partie de l'intelligence déjà établie sur le plan matériel. Alors, c'est à partir du plan matériel que ces lois seront établies et non à partir des sphères spirituelles. Les hommes seraient trop sujets à erreur et aussi seraient sujets aux lois de la domination du plan astral spirituel sur le plan matériel, et ceci doit être totalement neutralisé et coupé après la fin du cycle. L'intelligence humaine doit être axée sur un principe fondamental à la légalisation de la hiérarchie cosmique sur la Terre. Et la légalisation de la hiérarchie cosmique est un principe de dévolution, c'est-à-dire que c'est un principe dans lequel les formes les plus hautes doivent descendre vers des plans les plus bas pour concentrer sur les plans les plus bas leurs énergies. Et ce principe existe à la fois pour l'intelligence, pour la volonté, et il existera aussi pour l'amour lorsque l'homme sera dans les terres. De sorte que l'homme, sur le plan matériel, doit être capable de concentrer son intelligence dans la formation constante de certains appuis sur le plan matériel qui coïncident avec des actions qui sont axées sur la nature de son corps de désir, ajustées à son corps mental, et jamais sur des désirs personnels ou des désirs spirituels ou des désirs de haute spiritualisation collective qui sont des illusions, parce que l'homme de la sixième race ne vivra pas une vie collective. Les êtres de la sixième race ne vivront pas une vie collective. Et les intelligences qui sont dans l'astral ne peuvent pas voir au-delà de ceci, parce que les intelligences qui sont dans l'astral font partie déjà d'une mémoire qui conçoit le collectivisme ou la collectivité ou la conscience collective comme étant la forme idéale de tout regroupement d'un consensus individuel, mais à facettes pluralistique, à facette multidimensionnelle. Et ça ne sera pas ainsi que ce sera construit dans l'avenir. La sixième race sera une race qui, sur le plan éthérique, construira un monde dont les lois sont totalement autres que celles que la notion humaine puisse concevoir ou projeter de la nature même de l'organisation intelligente de certaines unités biologiques. Et sur le plan matériel, cette même race conviendra de certains principes d'auto-organisation et d'auto-gestion qui seront déterminés par l'intelligence et un corps de désir qui est totalement harmonisé et qui sera totalement, pas programmé, mais manifesté en dehors des notions de collectivisation que nous avons, ou de communisme, ou de forme commune de vie. Et la raison est très simple, c'est que les gens, plus un homme s'individualise, plus il a d'identité. Plus il a d'identité, plus il cherche à vivre sa vie selon sa vibration et non une vibration établie par une sorte de gestation communautaire ou une sorte de gestation spirituelle ou collective au-dessus de sa tête, formant une forme quelconque de gouvernement. Ce ne sera pas ainsi. Et la raison pour laquelle cette correction, ces corrections doivent être faites, c'est parce que si ces corrections ne sont pas faites, et pour le moment, je suis le seul qui puisse faire ces corrections, c'est que si ces corrections ne sont pas faites, les gens continueront à engendrer pendant un certain nombre d'années des énergies sur le plan du corps de désir qui seront maintenues prisonnières par des désirs personnels, et ceci empêchera que les gens vivent de leur intelligence et puissent descendre cette intelligence sur le plan du corps de désir pour s'effectuer éventuellement en une société micro-anonyme. Les lois de l'évolution sont des lois extrêmement précises et extrêmement précises. Les lois de l'évolution sont des lois extrêmement précises. Ce sont des lois infaillibles, ce sont des lois qui ne sont aucunement assujetties au passé, des lois qui ne sont aucunement assujetties à l'expérience antérieure de l'humanité. Ce qui sera vécu au cours de la sixième race n'aura jamais été expérimenté sur la Terre. C'est un modèle d'évolution, c'est un modèle d'organisation, c'est un modèle de vie, c'est un modèle de puissance humaine, créative, qui n'a jamais été connu sur la Terre, ni durant la période lémurienne, ou atlantéenne, ou indo-européenne. Alors, le modèle d'évolution future est totalement caché dans l'intelligence de ceux qui participeront à cette construction future. Ça, c'est bien important. Bien important. Mais alors, il disait, moi, ma façon d'expliquer le désir, c'est ceci. Il dit, un désir, c'est quelque chose envers lequel on est en attraction. Et le corps de désir, c'est ce qui nous permet d'aller vers quelque chose. Et son explication de la différence entre le désir et le corps de désir est très juste, elle est très précise. Ce n'est pas une notion. Ça fait partie de l'intelligence qui explique la différence entre le corps de désir et le désir. Et n'importe quel homme doit et peut se servir de cette façon d'expliquer la différence entre le désir et le corps de désir. C'est pour ça que je me sers de son explication pour vous la transmettre. Il en est de même pour la société future de l'humanité, pour l'organisation future de l'humanité, pour l'organisation et le développement du microcosme humain sur la Terre. Ce sont les hommes qui, dans leur intelligence, auront la version parfaite de l'idée promue au stage d'une concrétisation sur le plan matériel. Ce ne sera jamais du matériel qui sera téléporté dans le mental humain par voie télépathique par des intelligences qui sont dans l'astral. Ça, je vous l'assure. Combien? En attendant, checkez vos claques. Quand les hommes seront suffisamment en dehors de la forme pour comprendre réellement la nature de l'intelligence, les hommes s'apercevront que tout ce qui est dicté à l'homme par voie télépathique ne convient pas à l'évolution future de l'humanité, n'est simplement qu'une forme qui permet à l'homme de développer des désirs qui le soutiennent sur le plan égoïque afin qu'il puisse maintenir pendant un certain nombre d'années suffisamment d'énergie sur le plan matériel pour passer à travers les événements jusqu'à temps qu'il comprenne ces événements d'une façon autre. C'est la technique qui a toujours été utilisée par les forces astrales sur la Terre. On vous donne une beurrée avec du beurre de peanut. Puis pendant que vous mangez le beurre de peanut, ça vous tient en vie. Jusqu'à temps qu'on vous enlève la beurrée. Quand vous enlève la beurrée, vous changez de vie. Même ça marche. C'est pour ça que les enseignements téléportés, télépathiques, faites-y bien attention. Mais servez-vous-en pour voir, de par votre intelligence, des aspects qui conviennent à votre corps de désir et non des aspects qui conviennent à la notion de l'intelligence qui vous est véhiculée par voie télépathique. Autrement dit, si vous recevez quelque chose par télépathie dans les années à venir qui convient à la formation d'une micro-société ou à la formation de votre relation avec des aspects de cette micro-société, organisez-vous pour voir que ça convienne à votre corps de désir et non seulement à vos désirs. Si on dit qu'un désir, c'est quelque chose auquel on est attiré, et que le corps de désir, c'est quelque chose qui nous amène vers quelque chose, il y a une très grande différence dans la manipulation de nos énergies et dans la relation entre notre manifestation et l'événement lui-même, de sorte qu'on n'est pas déçu. Le désir déçoit. Le corps de désir engendre sur le plan matériel suffisamment d'énergie pour stabiliser les besoins et nous donner de plus en plus d'environnement pour vivre notre vie de plus en plus amplement, pour passer éventuellement d'un plan, lorsque ces conditions de besoin sont finies, vers un autre plan, pour vivre une vie en fonction encore d'autres besoins, mais qui sont plus subtils et plus éthériels que ceux que nous connaissons sur le plan matériel. Alors, tombez jamais dans la trappe ou dans la supercherie spirituelle des informations télépathiques qui vous viennent des plans spirituels astraux. Je vous le dis, le reste, ce sera votre expérience. Je ne peux pas vous faire autre chose que vous avertir. Le reste, c'est votre expérience. Quand vous connaîtrez l'expérience, mais vous comprendrez ce que je vous dis. Le temps où les hommes se sont dictés quoi faire, il finit. Il finit avec moi, en tout cas. Fini. Les hommes ne seront plus dictés quoi faire. Les hommes feront ce qu'ils ont de besoin. Et ce qu'ils ont besoin coïncidera avec leur intelligence et leur corps de désir, et non leur désir. Quand l'homme est dicté quoi faire, ça coïncide avec ses désirs, parce que ses désirs font déjà partie de la fabrication psychologique des mondes spirituels. Watchez-vous bien tout à l'heure. Ce sont ceux qui sont les plus télépathiques, qui sont les plus vulnérables à l'astral. Mais d'un autre côté, qui ont la plus grande facilité de sentir et de percevoir l'avenir. Mais sentir et percevoir l'avenir et le connaître et le comprendre, c'est deux paires de manches différentes. On peut bien sentir l'avenir, mais on peut bien percevoir l'avenir. Il y en a parmi vous autres qui ont senti et perçu l'avenir depuis bien des années. Puis il y en a parmi vous autres qui ont voulu évoluer depuis bien des années, puis sont allés dans des écoles depuis bien des années. Parce que vous arrivez à un certain âge, à une certaine expérience, où c'est le mouvement totalement contraire qui se produit dans vos vies. Fait que mettez ça dans votre pipe. Un jour, vous allez comprendre que tout le reste, c'est pareil. C'est le même pattern. On ne s'habille pas, on se déshabille. On a fini les hommes de s'habiller avec des idées des hommes ou des idées qui émanent des sphères spirituelles ou astrales. On n'a plus besoin d'eux autres. Pour la simple raison qu'on rentre dans notre propre intelligence, que l'esprit de l'homme se libère du corps de désir. Ça, c'est le point que je vais commencer à développer. Pour que l'esprit de l'homme se libère du corps de désir, c'est-à-dire des désirs de ce corps-là, qui n'est pas ajusté au mental, il faut que l'homme prenne conscience de l'importance du temps dans son évolution. Et la prise de conscience de l'importance du temps dans l'évolution de l'homme, c'est une prise de conscience qui révèle à la fois sa capacité de vivre de plus en plus dans son intelligence et de moins en moins sous l'empire de ses désirs personnels. Ce sont les désirs personnels qui créent le temps dans la conscience humaine. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller loin. C'est les désirs qui créent le temps. Quand vous n'aurez plus de désirs, il n'y en aura plus de temps. Fait que 10 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, 200 ans, il n'y aura rien là. Si vous avez des désirs, vous allez voir que 2 mois puis 2 semaines, c'est long. Fait que si c'était long 2 semaines, imaginez-vous 20 ans, vous allez péter. L'enfer, l'angoisse. Puis l'embonpoint. Il y en a qui en font là. L'évolution future de l'humanité sera totalement contrôlée par les hommes, mais les hommes ne comprennent pas ça. La seule raison pour laquelle ils ne comprennent pas ça, parce qu'ils ne sont pas des hommes encore. Complétez. Ou ce sont des hommes et ce ne sont pas des humains. Quand l'être humain sera humain, c'est l'être humain qui contrôlera l'évolution de sa propre vie, l'évolution de sa propre civilisation. Pas les autres, yo-yo, sur l'autre bord. Qui eux autres doivent descendre ici dans la matière pour être exactement comme l'homme, pour en venir éventuellement à fusionner. Toute notion qu'on a les hommes ne convient pas à l'homme complet. L'homme complet n'a pas besoin de notion. Il est intelligence. Et l'intelligence crée. Elle est créative. L'intelligence substitue constamment le voile pour le réel. La notion maintient constamment le voile pour l'idée quelconque d'une spiritualité véritable ou mensongère. Et comme je vous l'ai dit, la spiritualité, que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est toujours faux. L'homme n'a plus besoin de nation et l'homme n'aura plus de nation. L'homme ne vivra plus de nation. Moi, j'en ai aucune nation. Si vous me demandez si je comprends quelque chose, je comprends rien. Mais je peux expliquer tout. Alors, quand l'homme pourra expliquer tout, il n'aura pas besoin de comprendre rien. Quand tu comprends rien puis tu peux expliquer tout, t'es correct. Et les hommes veulent comprendre tout. Fait que quand vous voulez comprendre tout, ils veulent avoir des notions pour comprendre tout, puis de cette façon, ils ne comprennent rien. Alors, ils peuvent rien expliquer. Expliquer, ça veut dire parler avec intelligence. Quand tu peux parler avec intelligence, tu n'as pas besoin de notion. C'est toi que tu n'as pas besoin de mémoire. L'homme, c'est comme un gant. Il faut que ça soit totalement retourné à l'envers. Totalement retourné à l'envers. Ce qui retarde le plus l'évolution de la Terre aujourd'hui, c'est la notion. Quelque notion que ce soit. Et un jour, vous vous apercevrez que dans le développement de votre intelligence, c'est-à-dire dans l'explication de ce que vous savez, c'est-à-dire que quand vous serez capable, au niveau de votre esprit, de transcender la forme et de faire descendre dans la matière ou sur le plan matériel les exigences de votre intelligence naturelle, réelle, vous réaliserez une chose. Qu'aussitôt que vous engendrerez un mot ou que vous parlerez un mot dans lequel il y a la moindre spiritualité, vous serez dans une notion. Et ça vous créera une tension. Et tant que l'homme sur la terre, d'ailleurs, je peux vous donner une mesure de toute chose. Je peux vous dire que si vous suivez mon langage, si vous suivez l'évolution de mes paroles depuis un certain nombre d'années, vous verrez que mon langage se déspiritualise de plus en plus. Et un jour, mon langage doit en arriver à être un langage totalement scientifique. Et quand mon langage sera totalement scientifique, c'est à ce moment-là que la micro-société sera déjà établie et fonctionnelle. Mais tant que je ne pourrai pas me servir de mots qui conviennent à l'instruction politique, économique, sociale, psychologique, médicale, scientifique d'une humanité quelconque, les hommes ne seront pas prêts à créer sur le globe une micro-société. Parce que c'est dans le langage que se manifeste la puissance de l'intelligence, et c'est dans la puissance de l'intelligence qu'on découvre les nuances de la science, de cette intelligence. Et les nuances de la science, de l'intelligence, seront les aspects dont se serviront demain les hommes pour créer soit des systèmes scientifiques ou quoi que ce soit pour leur bien-être matériel. Alors, tant qu'il y a de la spiritualité dans les mots, c'est que l'intelligence ne peut pas se manifester parce que le temps n'est pas venu pour que les hommes bénéficient d'une condition de vie qui est équilibrée et qui convient à la fois à leur intelligence et à un corps astral ou un corps de désir qui n'est pas imbibé d'émotivité provenant du désir personnel. Fait que regardez comment vous parlez, puis regardez les mots que vous employez quand vous parlez, puis ça vous donne une idée de la distance entre vous et la micro-société. Et tant qu'il y aura en vous des formes de mots qui puissent passer, qui puissent être canalisées et qui contiennent une certaine vibration spirituelle, c'est que vous n'êtes pas suffisamment dans votre intelligence pour comprendre les nuances extraordinaires de l'application des principes de vie à l'intérieur d'un département de civilisation qui sera créé sur le plan matériel. Fait que les notions, faites-y bien attention, parce que vous allez voir que les notions que vous avez sont des notions qui sont liées à une émotion quelconque ou à un état émotif quelconque dans votre esprit. Si vous n'aviez pas d'émotivité, si vous n'étiez pas capable de parler avec émotivité dans vos mots, il y aura déjà des mouvements sur le globe qui permettraient l'organisation temporelle de la micro-société anonyme. Il y a un temps pour chaque chose. Je vous explique simplement les conditions de ceci. La différence entre l'homme et l'être humain, c'est que l'homme reçoit de l'astral, l'être humain reçoit de l'esprit. L'être humain est dans son esprit. Comme il est dans son esprit, il n'y a pas besoin de demander de questions à personne, puis il n'y a pas besoin de demander d'opinion à personne, puis il n'y a pas besoin de convoquer avec personne. C'est ça la liberté. La conscience future de l'humanité, c'est une conscience unitaire, c'est pas une conscience collective. Ce sont les notions politiques, capitalistes ou communistes ou philosophiques qui nous donnent cette idée d'une conscience collective. Il n'y a personne qui va venir vivre dans ma maison à côté de chez nous dans 90 ans ou dans 200 ans. Laissez-moi vous le dire. J'aime pas ça vivre avec du monde à côté de chez nous. Puis demain, vous autres, vous allez être pareil. Vous êtes assez névrosés. Chaque homme est une entité en lui-même. Chaque homme est une composition en lui-même. Le corps mental de l'homme, c'est une composition cristallisée dans les mondes de l'intelligence. Et un homme qui vit de cette composition, vit de cette composition selon les lois de son tempérament, de son caractère. Là, vous aimez ça, là, vivre à côté des autres, puis vous frottez les coudes. Parce que vous avez suffisamment d'émotivité dans votre mental pour sentir le besoin d'être à côté de quelqu'un puis de vivre avec quelqu'un parce que vous êtes pas capable de vivre seul. Vous avez besoin de fraterniser. C'est subtil, fraterniser puis être fraternel. Moi, je fraternise pas avec personne. Je suis bien fraternel. Ben. Il y en a, ils veulent fraterniser puis être fraternel en même temps. Tu vas coucher à ta chambre, coucher à deux soirs, tu seras content. Manger à ta table, le midi, tu seras content. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, suffisamment leur propre volonté et leur propre intelligence pour donner à leur vie matérielle un caractère d'autonomie totale. Puis l'illusion spirituelle de la conscience spirituelle collective de la race future d'humanité, parce que je n'entends parler de la race future d'humanité à tous les coins du globe. Maudite illusion. Il n'y a rien de plus autonome et de plus indépendant qu'un homme conscient. Puis je vais vous dire qui c'est qui vous rend comme ça, c'est qu'on veut la paix à tout prix. Fait que ma paix, puis ta paix, puis ta paix, puis ta paix, c'est des paix bien différentes. Chacun a sa paix, chacun a son niveau de paix. Ce qui est sa paix à elle, puis sa paix à elle, puis sa paix à elle, puis sa paix à moi, c'est toutes des paix différentes. Je veux bien rentrer dans ta paix de temps en temps, puis tu rentres dans ma paix de temps en temps, mais tape à moi pas. Ma petite fille est allée au camp en fin de semaine, là, puis elle s'est trouvé son petit lit dans le coin tout seul. Elle était contente parce qu'il y avait un mur, là. Elle voulait pas être dans le milieu du dortoir, avec la tapette de tout le monde. Elle était dans le coin, elle que ça tapait à elle. Sa sensibilité, ça, qui fait chercher un petit coin dans le coin tout seul. Plus t'es conscient, plus tu vas la paix. Tu veux pas, même si les gens sont conscients, les avoir dans tes culottes. Il y en a du monde qui voudrait vivre tout le temps dans tes culottes. Mais ça, en tout cas, je vous dis ça pour demain. Ça va être assez écœuré, il va y avoir du monde demain. Tu travailles ensemble, tu fais des affaires ensemble, en ça, tu te sépares. Tu t'en vas dans ton environnement, dans ton éther. On est loin de comprendre qu'est-ce que c'est une notion. On est construit de notions. On est fait de ça, de notions. Donc, la proportionnalité de notre conscience ou de notre vie vibratoirement exécutée, puis de notre vie psychologiquement perçue, est encore pas mal grande. Ça prend du temps avant de devenir parfaitement névrosé. Différence entre l'activité du corps de désir et l'activité de nos désirs, c'est essentiel. Je vais vous donner deux points de référence. Vos désirs seront jamais dans le bon timing. Vos désirs sont simplement des formes qui vous permettent de canaliser vos énergies pour vous empêcher de péter. C'est pour ça que l'homme a des désirs. Ça lui permet de canaliser ses vibrations. L'activité du corps de désir, c'est une activité de l'intelligence dans l'homme qui a son temps à lui, à elle, et ce temps-là ne peut pas être déplacé, de sorte que l'ego ne peut pas exécuter un désir avant le temps. C'est impossible. Ils vont te le dire, c'est pas le temps. S'ils disent c'est pas le temps, ils te barrent automatiquement le mental, puis ça neutralise ton corps de désir. Fait que s'ils sont pas capables de te dire c'est pas le temps, ça veut dire que tu fonctionnes au niveau de tes désirs à l'intérieur de ton corps de désir, et ça, ça fait partie de la canalisation de tes énergies. Et un jour, vous en arriverez, en tout cas, j'espère que tout le monde en arrivera, mais vous en arriverez un jour à réaliser que vous ne pouvez pas vivre de désir. Il y a un temps pour chaque chose, et c'est très important le temps de chaque chose, parce que c'est justement ce temps-là qui corrige le fait que votre corps de désir n'est pas ajusté à votre corps mental. Et c'est très important pour l'homme d'avoir un corps de désir et un corps mental très bien ajusté, parce qu'après ça, il ne souffre plus. Il n'y a plus de tension. Et il conserve constamment son énergie. Il accumule, puis accumule, puis accumule, puis accumule, puis accumule son énergie. Tandis qu'avec les désirs, l'homme perd constamment de l'énergie. Et l'homme comprendra un jour que les désirs sont une façon pour les êtres dans les mondes de la mort de rapprocher l'homme du monde de la mort. Autrement dit, l'homme est ramené à la mort par les désirs qu'il convoite durant sa vie matérielle. Ça vous donne une idée jusqu'à quel point c'est puissant les désirs et jusqu'à quel point les désirs servent non pas l'être humain, mais l'homme. Autrement dit, chaque fois que tu vis un désir subjectif, tu meurs un peu. On commence à comprendre les lois de l'homme. On commence. Il y a toujours une intention dans un désir, mais l'intention, on ne la voit pas tout le temps. Mais l'intention a fait partie des intelligences sur le plan astral. Il y a toujours une intention. Puis cette intention-là est toujours contre nous autres. Tout le temps. Est toujours contre l'homme, l'intention. Alors, pour eux autres, de nous créer des désirs, c'est facile. Et pour eux autres, c'est important, parce que quand ils nous créent des désirs, eux autres vivent nos désirs sur leur plan. Et avec nos désirs, ils se construisent des formes qui deviennent leur environnement. Fait que si tu as des désirs cochons, ben ils se font des désirs, ils se construisent un environnement cochon. Si tu as des désirs un petit peu plus spirituels, mais ils se construisent un environnement spirituel, ainsi de suite. Alors, le monde de la mort et les structures de ce monde-là sont faites des désirs créés par l'homme. Vécu par l'homme. C'est pour ça que si vous allez dans l'astral, vous allez voir que c'est exactement comme Chaitan. Il y a des chars, il y a des télévisions, puis il y a des rues, puis il y a des maisons toutes croches, puis tout ça. Ouais. Ils construisent leur environnement, les morts, avec les désirs qui sont exécutés par nous autres sur le plan matériel. Les morts ne sont pas capables de désirer quelque chose, sont capables d'en créer un en nous. Une fois qu'il est créé en nous et qu'il est exécuté, l'énergie remonte ses plans. On est loin de comprendre ça, le monde des morts. C'est toute une patente, cette affaire-là. Et la raison pour laquelle le corps de désir doit être ajusté au corps mental, c'est parce que quand il n'est pas ajusté le corps de désir au corps mental, on souffre d'inquiétude. Pourquoi est-ce qu'on souffre d'inquiétude? C'est parce que notre corps de désir n'est pas ajusté à notre corps mental. Si notre corps de désir était ajusté à notre corps mental, on ne souffrira jamais d'inquiétude. C'est absolument idiot, c'est stupide. C'est compréhensible. Mais c'est idiot et stupide que l'homme s'inquiète. Pourquoi est-ce qu'il s'inquiète? Parce que ses désirs ne sont pas remplis. S'il n'y avait pas de désir, il ne s'inquiétera pas. Fait que ça va loin, l'affaire. Puis ensuite, vous allez me voir, vous allez venir me voir, vous allez me parler de votre foi. La foi. La foi dans le Christ, puis la foi dans le ci, puis la foi dans le ça. Tout le monde a la foi. Rien qu'un foi que je connais, c'est le foi de veau. La foi. Des crises de mots que vous utilisez à toutes les sauces dans votre verbiage humain, spirituel, puis psychologique, puis théologique, pour vous encrasser l'esprit, pour diminuer en vous votre volonté, votre intelligence. Ça fait chier. C'est pas contre vous autres que je passe à la condition humaine. La foi. J'en reviens pas de ce mot-là. La foi de quoi? Nos désirs se réalisent. Quand l'homme comprendra qu'on est sur la terre, malgré nous-mêmes, puis qu'il y a toute une mécanique qui nous a attirés sur le plan matériel, puis qu'on doit en ressortir du plan matériel, les gens comprendront jusqu'à quel point les notions nous ont gardés la matière. C'est pas facile de vivre de notre propre intelligence. C'est un maudit défi de vivre de sa propre intelligence. C'est tout un défi de vivre de sa propre intelligence. Ta foi passe par-dessus bord quand tu es dans ton intelligence. Vivre de notions, c'est le fun. Ça nous dort la pilule, les notions. Mais de vivre de notre intelligence, c'est un autre paye de manche. T'es mieux d'avoir les reins forts parce qu'ils pètent tes reins. Je parle de ces reins-là. On se pense bien smart, puis on se pense bien intelligent quand on est inconscient. Puis on se pense bien prête quand on spiritualise. Puis on se pense bien proche de quelque chose quand on commence à rentrer dans la phase où tout se brise. Mais on ne savait pas. On ne pensait pas que c'était de même. On pensait que c'était bien plus fun que ça. C'est pas le fun pantoute. L'initiation solaire. Les gens veulent être initiés. M'a donné 10 piastres, initie-moi, Bernard. M'a donné 200 piastres, initie-moi. On veut être initié. Parce qu'on a des notions d'initiation. Les jugements viennent d'où? Ils viennent du fait qu'on a des notions sur la teneur de notre intelligence. Puis plus notre intelligence est vibrante un petit peu, plus qu'on a de poivre là, dans le cerveau, là, plus on a des notions sur la teneur de notre intelligence. Mais je vous avertis qu'avec les années, ces notions-là, cette teneur-là change. On s'aperçoit que notre intelligence, la façon qu'elle se développe au cours des années, c'est pas la même qu'avant. C'est pas le même poivre. C'est une autre sorte de poivre. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important pour nous autres, les hommes, de comprendre la différence entre nos désirs et notre corps de désirs, parce que c'est ça qui crée nos notions. C'est ça qui nous fait garder nos notions. C'est ça qui fait que nos notions sont proches de nous. On les aime, nos notions. On se sent en sécurité avec nos notions. Mais plus on rentre dans notre intelligence, plus ça passe par-dessus bord. C'est pour ça qu'on trouve ça rough. On trouve ça raide. Mais au moins, on avance vers nous-mêmes. Vers soi-même. Et soi-même, c'est intelligent, soi-même. Ça n'a pas de question à demander à personne, soi-même. Ça n'a pas d'opinion à demander à personne, soi-même. Mais il faut que le corps de désir soit ajusté. Sans ça, à ce moment-là, vous avez un soi-même qui est réellement fautif. Puis éventuellement, vous vous en apercevez parce que ce que vous avez désiré tombe à l'eau. Ça ne se passe pas de même. Ils vont vous envoyer des formes, puis ils vont vous prendre dedans, puis vous allez vous faire prendre dedans, jusqu'à temps que vous appreniez comment ça marche. Là. La différence entre l'activité du corps de désir et le désir, c'est rien qu'avec le temps que vous allez le comprendre. Même si vous le comprenez au niveau mental, c'est dans l'expérience que vous allez le réaliser. C'est du désir ou c'est l'activité du corps de désir? C'est le résultat d'une attraction ou c'est le résultat d'un mouvement? C'est le temps. Au moins, quand vous allez commencer à sentir que c'est un mouvement, que c'est pas une attraction, vous saurez à ce moment-là que c'est l'activité de votre intelligence sur votre corps de désir. Et vous devrez réaliser que ce n'est pas de l'égocentrisme. Parce que l'intelligence sur votre corps de désir peut agir d'une certaine sorte de façon très subtile pour vous rendre encore plus mental, encore plus libre d'émotion, en vous faisant faire des mouvements qui coïncident avec l'intelligence sur votre corps de désir, mais qui n'a rien à faire avec aucune subjectivité. Puis cette clarification-là, ce raffinement-là de votre intelligence est très important. Très important. Puis ils vont vous faire faire des choses dans la vie qui seront un mouvement, vous vous sentirez poussé à ça, ça n'aura rien à voir avec les désirs. Ça sera lié au corps de désir, puis l'activité de l'intelligence dedans, et ça n'aura rien d'égocentrique. Et ça servira à rendre votre intelligence encore plus raffinée, pour que vous en arriviez un jour à ne jamais même pouvoir douter de l'activité de votre corps de désir. Quand vous serez capable de vivre et d'agir sans jamais douter de l'activité de votre corps de désir, votre corps de désir sera le véhicule sur le plan matériel qui vous permettra de construire un environnement qui conviendra avec votre tempérament et votre caractère. Puis ça ne se fait pas tout d'un coup, ça. C'est avec le temps qu'on s'ajuste. Entre le désir et le corps de désir, le désir et le corps de désir. Puis plus l'intelligence descend, plus l'activité du corps de désir est forte, plus l'impression qu'on a que c'est un désir. Faites bien attention. Mais c'est dans l'expérience que vous allez le réaliser. C'est comme ça qu'on est testé dans la résistance mentale, puis dans la résistance émotionnelle. C'est comme ça que le corps de désir se développe, que le corps mental s'ajuste, puis que les deux forment un axe qui éventuellement connecte avec le corps éthérique. Savoir, reconnaître la différence entre un et l'autre, c'est essentiel pour nous autres. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à reconnaître en soi de l'intelligence et que la volonté commence à descendre, à se manifester. Mais si vous ne reconnaissez pas ça, bien, vous allez toujours fonctionner au niveau du corps de désir, vous ne sentirez jamais votre intelligence. Vous allez avoir des communications télépathiques, mais la communication télépathique, ce n'est pas nécessairement votre intelligence. Ça, c'est le point que je veux toucher. La communication télépathique, c'est une façon à vous, en tant qu'homme, de réfléchir une certaine vibration venant d'un plan ou d'un autre. Si vous réfléchissez une vibration qui vient d'un plan spirituel, ça vous permet, vous, au niveau de votre mental, d'avoir une certaine conscience de quelque chose. Si vous réfléchissez quelque chose sur un plan supérieur, c'est la même chose. Mais ce n'est pas cette réflexion, ce n'est pas la communication télépathique que vous vous servirez demain. Vous ne vous servirez jamais dans l'avenir de votre intelligence télépathique. Jamais, jamais, jamais. L'intelligence télépathique, c'est simplement une communication entre un plan ou un autre. L'homme n'a pas besoin de réfléchir la communication télépathique pour être dans son intelligence, mais pour qu'il puisse vivre de l'énergie sans avoir à la douter, cette énergie-là, et être obligé d'avoir recours à la communication télépathique pour checker si c'est bien correct, à ce moment-là, il faut que son corps de désir et son mental soient ajustés. Sans ça, vous allez faire des mouvements, vous allez être obligé de retourner avec eux autres en haut et dire « Mais c'est-tu correct là, ce que je fais là? » Évidemment, ils vont dire « C'est correct, même si c'est pas correct. » Puis t'en arrives à pas demander si c'est correct. Quand tu n'arriveras pas à demander si c'est correct, à ce moment-là, c'est parce que ton corps de désir sera ajusté à ton mental. Qui ont du support humain par la voie de la pensée subjective ou par la voie de la communication télépathique plus objective, c'est une notion qui fait partie de l'impression qu'on a d'avoir besoin d'être informé avant de faire quelque chose. On n'a pas besoin d'être informé avant de faire quelque chose. Quand vous allez manger, vous ne vous informez pas si vous devriez aller manger. Vous allez manger. Ça fait partie d'activité de votre intelligence sur le plan du corps de désir. Ça devrait être la même chose dans toutes vos activités.